Ocean to ocean, ainsi disent les Américains, de l'océan à l'océan. Et ces trois mots devraient être la dénomination générale du grand trunk qui traverse les États-Unis d'Amérique dans leur plus grande largeur. Mais en réalité, le Pacific Railroad se divise en deux parties distinctes, Central Pacific entre San Francisco et Ogden et Union Pacific entre Ogden et Omaha. Entre Omaha et le Pacifique, le chemin de terre franchit une contrée encore fréquentée par les Indiens et les fauves. Peu ou point de tunnel, ni de pont sur le parcours. Le railroad, contournait le flanc des montagnes, ne cherchant pas dans la ligne droite le plus court chemin d'un point à un autre, et ne violentant pas la nature. Après avoir déjeuné, M. Fogg, Mrs. Aouda et leurs compagnons reprirent place dans le wagon. Phileas Fogg, la jeune femme, fixe et passe-partout, confortablement assis, regardait les paysages variés qui passaient sous leurs yeux. Vastes prairies, montagnes se profilant à l'horizon, rivières roulant leurs eaux écumeuses. Parfois, un grand troupeau de bisons, se massant au loin, apparaissait comme une digue mobile. Ce fut même ce qui arriva dans cette occasion. Vers 3 heures du soir, un troupeau de 10 à 12 000 têtes barra le railroad. La machine, après avoir modéré sa vitesse, essaya d'engager son éperon dans le flanc de l'immense colonne. Mais elle dut s'arrêter devant l'impénétrable masse. Le mieux était donc d'attendre patiemment, quitte ensuite à regagner le temps perdu par une accélération de la marche du train. Le défilé des bisons dura 3 grandes heures, et la voie ne redevint libre qu'à la nuit tombante. Il était donc 8 heures quand le train pénétra sur le territoire de l'Utah, la région du Grand Lac Salé, le curieux pays des Mormons.